Chapitre 2. Toula. Toula est une ville de relais. J'en profitai pour descendre de mon traîneau, et j'entrai dans le bureau de la poste, où je trouvai un grand feu qui parvint à me réchauffer. Dans mon triste désœuvrement, je liai conversation avec un soldat du régiment de Minsk, qui portait le nom d'un village m'ayant appartenu, et qui avait vécu longtemps en Pologne, séparé de tout ce qui m'était cher, de tout ce qui m'intéressait. Cette rencontre me fut une consolation. L'isolement donne un souvenir de si grande proportion. Je pouvais un moment parler de ma patrie, et mon pauvre cœur se sentit tout ranimé. Dans l'exil, sur une terre étrangère, il n'y a plus de caste, il n'y a plus de rang. Le malheur efface presque ou amoindrit la différence des conditions. Je causais avec ce soldat comme s'il eût été mon égal. Un comptoir de quincaillerie était établi à la poste, dans le but sans doute de tenter les voyageurs. Ce fut pour moi une bonne fortune, car il ne m'avait pas été permis d'emporter les objets nécessaires à la toilette ou aux travaux de femme. J'achetai un canif, des ciseaux, des aiguilles, des brosses, un cachet, et tout cela fut bien vite choisi et payé. Au moment où je terminais mes emplettes, je sentis qu'on glissait furtivement un papier dans ma main. Je me retourne précipitamment et je vois le soldat dont j'ai parlé qui s'éloignait en me faisant un signe d'intelligence. Je ne comprenais rien à ce mystérieux papier remis par un inconnu. Mais comme on doit bien le penser, ma curiosité était très excitée, et j'avais hâte d'être seul, ou plutôt à l'abri de regards indiscrets, pour lire ce qui m'avait été remis. Voici le contenu de ce billet, écrit en russe, d'une assez mauvaise écriture, mais lisible. Soyez sur vos gardes. Tout le monde cherche à vous tromper. Le cours de la monnaie n'est pas semblable à celui de votre pays. Vous avez payé 2 roubles en plus, et pour votre gouverne, je joins le tarif de l'argent afin que vous ne soyez plus la dupe des fripons. Bientôt, le soldat se rapprocha de moi sans avoir l'air de me chercher, et je le remerciai beaucoup de son bon avertissement, ce qui l'encouragea à me donner de nouveaux renseignements. Il me dit que les monnaies d'or, d'argent, de cuivre ou les billets de banque n'avaient point en ce pays de valeur fixe ou normale, et que les mots eux-mêmes n'avaient qu'un sens relatif, local et de convention, selon la nécessité du moment. 12 roubles, par exemple, n'avaient pas leur valeur réelle, mais une valeur de fantaisie, et selon le cours de l'argent en Sibérie. J'ai toujours eu peu d'aptitude pour le calcul. Je m'inclinai devant ces combinaisons financières sans trop les examiner, et je mis le tarif dans ma poche pensant qu'il pourrait m'être utile dans l'avenir. J'ai eu en effet très souvent l'occasion de consulter mon tarif, et ce préservatif m'a été très nécessaire pendant mon exil. J'avais un grand désir de visiter Toula, et de voir en détail ses manufactures d'armes et les autres curiosités de la localité, mais mon gardien, ou si vous voulez, mon geôlier, était inexorable, et répondait invariablement à toutes mes demandes et à toutes mes questions. « En route, en route !» La révolte eût été une folie. Je me résignais sans murmurer. Toula, autant qu'il m'a été permis d'en juger, m'a paru une assez belle ville. Ses rues sont larges et aérées. Ses maisons, ornées de balcons et de grilles en fonte, donnent à la ville un certain aspect de luxe et d'élégance.